Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? Ah, oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Et salut les auditrices. Allez, on continue avec la partie 2 de l'expérience de conseiller funéraire de Balthazar. Pour un petit contexte historique, il y a eu un mouvement de médicalisation de la fin de vie qui a entraîné du même temps une privatisation croissante de la prise en charge des défunts. Progressivement, tout au long du XXe siècle, ce sont ainsi que se sont développées les pompes funèbres. Ce développement privé du soin des morts marque la frontière entre le champ de la santé et le champ funéraire, comme pour ne pas entacher le champ médical avec la mort. La mort qui serait comme l'échec, peut-être, le tabou ultime du médical. Nous l'avions déjà vu dans d'autres épisodes, lorsque j'évoquais les recherches et analyses d'Ivan Illich, qui montrent que le champ de la médecine s'est un peu constitué sur une idéologie de progrès, allant jusqu'à presque ambitionner d'éradiquer la mort et la maladie. Refus encore prégnant en France, refus de considérer la mort comme une fatalité, que l'on retrouve tant dans la recherche que dans les réglementations et les pratiques, avec le fait qu'il soit toujours... Très difficile de laisser quelqu'un mourir en soins palliatifs. On a légalisé la fin de l'acharnement thérapeutique, mais l'euthanasie n'est toujours pas légale. Et même pour la fin de l'acharnement thérapeutique, c'est encore à la décision des médecins et c'est encore quelque chose qui se fait peu, où il y a beaucoup de résistance et de réticence. Donc historiquement, on a eu un désengagement du médical dans le funéraire, qui s'est manifesté par plusieurs aspects. La non-reconnaissance à l'hôpital des services qui n'ont pas une vocation pure de santé, la qualité de prestation de service aux familles du patient-patiente qui était encore peu développée, donc ça a été pris en charge ensuite par les pompes funèbres, des investissements économiques faibles pour les activités médicales non techniques, dont les soins aux défunts étaient considérés comme faisant partie, un déni de la mort dont je parlais précédemment, et une gestion des cadavres uniquement dans le cadre de l'autopsie, dans des unités d'anatomopathologie. Cela se traduisait aussi par une séparation géographique physique, avec la chambre mortuaire qui était au bout, voire à l'extérieur de l'hôpital le plus souvent. Tout ça, je le tire d'un article sur Cairn, que je vous mets en lien, dans lequel il y a une personne cadre de santé qui témoigne qu'on ne voudrait pas mêler les morts et les vivants. Et c'est ça qui expliquerait par exemple qu'il y ait presque toujours une sortie sur la rue depuis les chambres mortuaires, pour ne pas qu'on voit de corbillards sortir de l'hôpital. Donc cette fracture physique du lieu de soins des défunts fait des morgues, des chambres mortuaires, des lieux encore davantage de solitude. Ensuite, le secteur des pompes funèbres s'est vraiment libéralisé en 1993, lorsque celles-ci ont été établies comme professions réglementées. Du coup, ce qui a permis à ce nouveau groupe professionnel de vraiment se consolider en tant que groupe spécialisé dans le service funéraire. Et à l'intérieur de cette nouvelle profession, il y a eu un déplacement de la prise en charge professionnelle des cadavres qui était traditionnellement attribuée à la sphère privée et aux femmes dans la sphère privée pour devenir maintenant une nouvelle profession donc qui reprend les tâches traditionnelles du traitement des corps, de présentation des défunts à l'entourage, du temps de veillée, mais qui se déplace dans un service de pompes funèbres, notamment dans les funérariums. Et c'est ainsi qu'on voit décliner la figure des veilleuses, par exemple, ou des pleureuses, des toiletteuses, qui étaient donc majoritairement des femmes, qui avaient la charge d'apprêter le défunt. Et on voit maintenant une profession à part entière qui s'établit là-dessus. Et vient du même temps tout ce qui est la gestion des obsèques, avec la figure symbolique que devient le conseiller funéraire, qui essaye de maintenant avoir une image un peu plus positive que celle des dix croque-morts, qui est une appellation péjorative du coup, et qui est historique sur des siècles et des siècles. La figure centrale du maître d'œuvre des obsèques passe ainsi d'un personnage public qui était très ancré dans des réseaux notables et religieux de la communauté locale, un rôle davantage de conseiller technico-commercial, bien que prenant de plus en plus en charge des dimensions également culturelles et symboliques, donc ça notamment récemment, ce qui permet aussi... d'essayer de sortir un peu des stéréotypes justement péjoratifs de la conseillère funéraire qui serait là pour se faire du beurre sur le dos des morts. L'article s'intitule « Les professionnels de service aux défunts, compétences, savoirs, qualifications » de Sandrine Caroli et Valérie Rocchi, Pascal Trompette, Dominique Vinck, qui a été publié dans Revue française des affaires sociales en 2005, et c'est un extrait des pages 207 à 230. Je vous laisse donc écouter cette seconde partie dans laquelle nous parlons davantage de la vision des corps que son métier a pu changer chez Balthazar, de sa conception des relations sociales et de son rapport à la vie aussi, des questions financières et commerciales qui sont toujours un sujet un peu touchy, et je vous passe les autres pépites de cet échange que je vous laisse découvrir. Et je vous invite fortement à écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas trop de descriptions des corps dans cet épisode, à part quelques allusions vers les minutes 40-45. Vous pouvez accélérer de quelques secondes si cela vous heurte ou vous éloignez peut-être du poste de diffusion. Voilà. Bonne écoute! Il y a quelque chose que je me disais, c'est que moi, en tant que personne queer, justement, oui, effectivement, je me sentirais plus en confiance avec une autre personne queer dans le cadre d'obsèques, etc. Mais aussi dans la pratique directe de ce métier par rapport au... Justement, quand on parle du côté safe, sur le rapport au corps de la personne décédée et à me dire... Enfin, parce que quand même... Alors je sais pas si c'est des imaginaires partagés, mais j'ai eu beaucoup de, j'ai l'impression qu'on a pas mal de représentations et on entend beaucoup aussi dans les médias parler des, par exemple du non-respect des corps, que ce soit à l'hôpital, etc. Des caravans ou quoi, enfin il y a plein de scandales qui sont sortis sur ce qui était fait aux corps décédés et en fait j'aurais beaucoup plus confiance en un respect du corps et du quelque part du consentement même dans la mort. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais parler un peu de ça, du rapport au corps des défunts et de comment tu interagis avec. Alors, c'est vrai, je sais pas si c'est parce que j'ai évolué dans le milieu queer, mais c'est vrai que le consentement, même dans la mort, ça reste quelque chose de primordial et d'important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais manipuler un corps, déjà, je vais toujours cacher les parties génitales. Toujours, quoi qu'il arrive. Ça, tu disais que c'était partagé par les personnes avec qui tu avais travaillé depuis le début. Oui, ça c'est quelque chose... déjà, premier jour là où je suis arrivé, ils le faisaient déjà. Donc je sais pas si c'est parce que c'est des femmes, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, il y a un respect qui était déjà existant. Après voilà, moi je sais que quand, par exemple, je sais pas, je vais mettre un soutif ou je vais lever le bras pour aider à mettre la chemise... Je vais soulever la tête. À chaque fois, je vais lui dire. C'est con parce que elle est juste, elle est décédée, et elle m'entend pas. Mais juste en fait, je tout en faisant, je vais lui parler, je vais lui expliquer. Et je crois que ça, les familles le ressentent. La douceur. Dans le consentement, pour la préparation du corps. Il y a beaucoup cette question de est-ce qu'il y a des... Moi, je sais que je la pose toujours, en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses que... Enfin, des parties du corps que votre défunte n'appréciait pas? Est-ce que vous voulez que je cache quelque chose? Est-ce que vous voulez que je ressorte aussi quelque chose? Que je mette en avant quelque chose? Et en fait, on se rend compte que c'est extrêmement important, maintenant. Des petits détails. Des petits détails, mais... En fait, ils se sentent écoutés encore plus et encore plus respectés. Ils savent qu'on va prendre soin de leur maman ou de leur défunt. Et je crois que ça n'a pas de prix. Je pense que ouais, ça a aussi impacté mon milieu professionnel, en fait. Okay. Dans tout, que ce soit avec les défunts et avec les familles. Avec mes collègues aussi, mine de rien. Okay. Toujours expliquer. Toujours. Toujours demander. Quoi qu'il arrive, toujours communiquer. Tu disais même que tu parlais du coup en dehors du rapport au corps, que tu racontais les familles qui venaient les voir, etc. Ouais, c'est vrai. Des fois, quand Ben, j'ai un proche qui vient m'amener, je sais pas, ça peut être tout bête, mais j'ai oublié les chaussures, je vais vous les ramener demain. La personne me ramène les chaussures, on parle un petit peu. On parle un peu de la défunte, de sa personnalité et tout. Et du coup, ben, quand je vais lui mettre les chaussures ou quoi que ce soit, juste j'ouvre la cellule, j'aime bien lui dire, bah, aujourd'hui j'ai vu votre fils. Il va très bien, il se porte bien. Sa compagne le protège beaucoup, elle prend soin de lui. J'essaie aussi de les rassurer. Non, ok, vous êtes décédé, ça va leur faire très mal, ça va être compliqué, mais ils vont s'en sortir parce qu'ils sont entourés. Ou même leur raconter des anecdotes un peu de façon rigolote. Enfin, c'est ben on m'a raconté que vous aviez fait ça, madame. Bien joué. Enfin ouais, c'est toujours ça reste quoi qu'il arrive un être humain, et même s'il est décédé, ça reste un corps et des gens l'ont aimé, il y a un passé et il faut le respecter. Parce que pour du respect, ou même si c'était moi, mon proche à moi, je veux que ça se passe comme ça. C'est ta vision, ouais, de la, enfin, au-delà même d'une forme de croyance, etc., c'est une forme de valeur, de principe, j'ai l'impression. Oui, oui. Et tu ne t'es pas laissé, justement, pris dans cette routinisation qui ferait que tu verrais plus la personne humaine, mais juste, effectivement, un corps objectifié. Une enveloppe, ouais, tout à fait. Non, c'est pas un corps et puis un autre et puis un autre. Non. Là, on parle de madame, là, on parle de monsieur, là, on parle de Huguette, là, on parle de... Okay. Il faut leur donner un nom, il faut leur donner un prénom. Ouais, c'est... Enfin, ça fait du bien à entendre, en tout cas, aussi. Oui, oui. Ouais. Je pense que c'est important. On meurt trois fois dans notre vie. Ok. On meurt un peu à partir de notre naissance. On meurt au moment de notre décès médical. Ouais. Et on va mourir quand la dernière personne qui peut parler de nous décède. Faut continuer à faire vivre ça. Et je pense que, après on en parlait tout à l'heure, mais j'ai été témoin de pas mal de choses, dans le sens où ça peut être des croyances, ça peut être des constatations, quoi qu'il arrive, ça reste important de respecter un corps, parce qu'on sait pas ce qui se passe après. On sait pas. Donc, ouais, ça reste quelque chose de primordial pour moi. Je vois mes défunts, À chaque fois que je reçois une famille, la personne qui est décédée, c'est un peu aussi ma famille. Parce que je la connais plutôt bien, suivant les personnes qui me décrivent la personne. Mais elle fait un peu partie de ma famille et je vais en prendre soin. Je vais m'en occuper jusqu'à la fin. Okay. Et est-ce que, à l'inverse, t'as été témoin de la part de collègues ou quoi, de justement de l'inverse, de mauvaises pratiques et de non-respect des corps? Et je reprécise encore plus cette question, parce que du coup, dans ce podcast, on s'intéresse beaucoup aux oppressions systémiques et aux conséquences sur les corps. Est-ce que tu as l'impression de voir justement des traitements différenciés selon si les corps sont... Enfin, selon le genre, la classe, la racialisation, ce qu'on sait de la personne, si elle, l'orientation sexuelle, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a... Ça peut orienter différemment le traitement. Impacter. Alors, écoute, je suis plutôt soulagé de dire ça aujourd'hui, mais non. J'ai en tout cas eu la chance de ne pas assister à ce genre de choses. Après, je sais pas si c'est parce que quand je suis arrivé dans l'entreprise, ils ont rapidement vu moi, mon rapport que j'avais avec les morts. Mais je n'ai jamais eu l'occasion pour l'instant de voir de maltraitance ou quoi que ce soit. Il y en a un qui s'est un peu peint. C'était pas de la maltraitance, mais ça commençait à être un peu limite pour moi. Je l'ai juste recadré. Je dis, écoute, ça pourrait être ta maman, donc tu vas redescendre tout de suite. C'était sur une femme. C'était sur une femme. Voilà, donc après on a mis certaines choses en place qui font que les personnes qui n'ont pas à avoir accès directement aux cellules réfrigérées n'ont pas accès. Mais quand même, grosso modo, j'ai jamais eu de violence. De remarques même sexistes, racistes. Des remarques sexistes, si. Ouais, si. Raciste, jamais encore. Parce qu'après, en même temps, dans nos porteurs, dans nos maîtres de cérémonie, c'est aussi ça qui est quand même vachement bien dans cette entreprise, c'est que il y a pas mal de personnes de différents horizons. Okay. De différents pays, de différentes religions. Ce qui fait qu'il y a quand même un respect au niveau de du défunt, qu'il soit racisé ou pas. Okay. Par contre, les propos sexistes, si, ça, oui. Ouais. Ça, je peux pas le nier. Ouais. Et tu recadres dans ce cas-là ou... Ah oui, j'ai écouté les gars, moi je veux pas entendre ça dans le labo, donc vous sortez. Mm. Vous refermez la housse, vous sortez. Je j'ai pas entendu ça. Vis-à-vis de... Je suis leur supérieur. Ok, tête de la boîte. Alors, enfin, tu vois, il y a porteur, maître de cérémonie, conseiller funéraire, chef d'agence. Toi, t'es conseiller funéraire. Moi, je suis conseiller funéraire. Je n'aime pas mettre en avant le fait que je suis leur supérieur, parce qu'avant tout, on est collègues, on travaille ensemble. Mm. Mais bah, parfois, c'est dommage, mais il faut les recadrer. Parce que comportement... tu peux pas accepter ça. Parce que s'ils sont capables de le faire là, au sein de l'agence, ils sont capables de le faire devant la famille. Ouais. Et ça, c'est inacceptable. Puis au-delà d'une question d'hiérarchie, oui, c'est une question humaine. C'est du respect. C'est du respect, donc ouais. Mais pour les propos sexistes, ça reste compliqué, puisque bah, tu sais, je reste entre guillemets assis à l'agence. Je peux pas les suivre quand ils vont au crématorium, quand ils vont au cimetière. Je peux pas les suivre, donc je sais pas ce qui s'y passe. J'ai pas encore eu de retour de famille en mode j'ai entendu ça, c'était un peu choquant. Il y a l'air d'y avoir encore un respect qui existe, Dieu merci. Mais c'est vrai qu'on est souvent obligé de recadrer. Bah, les hommes, en fait. Que les hommes. Je me posais la question aussi, est-ce que tu as été confronté à des personnes d'autres religions plus minoritaires, justement, qui avaient des rites plus spécifiques et où ça se posait des questions aussi en termes de légalité ou de choses juste que vous saviez pas faire ou que... Enfin, oui, avec lesquels vous n'étiez pas familier, familière. Alors, oui, j'ai eu un bouddhiste une fois. C'est magnifique. Okay. C'est absolument magnifique. Après. C'était en quoi, du coup ? Alors, en fait, donc on présente en salon de présentation. Eux, ils aiment bien que les obsèques, entre le temps du décès et le temps des obsèques, ce soit un assez long moment. Ce qui peut être plus ou moins problématique chez nous. Mm. Puisque la conservation du corps, etc. C'est légalement restreint, non ? Alors, légalement, on a un délai de 6 jours. Okay. Après, il faut demander une dérogation. Oui, voilà, mais si elle est justifiée, c'est OK. Okay. Mais après, au niveau légalité, il n'y a pas trop d'impact. Il va y avoir pour la religion musulmane, là où il y a un délai assez court à respecter. On ne peut pas non plus mettre quelqu'un en terre sans cercueil. Alors que oui, dans la tradition. C'est ça, c'est dans un linceul, ouais. Dans la terre elle-même. Okay. Et du coup, là, vous êtes confronté à devoir parler aux familles pour dire que c'est pas possible. Oui, et... oui. Que... Et elles l'acceptent. Alors, de toute façon, elles comprennent bien qu'elles n'ont pas le choix. De toute façon, on va les rediriger vers les textes de loi, vers les mairies, vers les cimetières. Alors, attends, voilà, c'est pas de notre fait. Malheureusement, je suis là pour vous donner la loi de ce qui est possible de faire ou pas. Je peux rien faire d'autre, quoi. Parce que c'est, je crois que c'est pour des questions de salubrité. Oui. Ok. Ouais. Après, globalement, les gens comprennent plutôt bien. Quand on parle de loi, ils comprennent. Ok. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui choisissent du coup de finalement demander à ce que le corps soit rapatrié dans un autre pays, par exemple, pour le faire selon d'autres traditions ? Alors, oui. Ça arrive plutôt régulièrement, en fait. La seule chose, c'est qu'en fait, on a une loi en France qui ne permet pas de faire un transport de corps sans soin de thanatopraxie. Enfin, en tout cas, de transport hors France métropolitaine. Ce qui fait qu'on va devoir faire un soin. Et ça, dans la religion musulmane, ça reste... C'est pas possible. Ah ouais. Donc, ok, quand ils vont recevoir le cercueil avec le défunt à l'intérieur, ils vont procéder à un dépotage, donc ouverture du cercueil, zingué. Mm-hmm. Mais légalement, on devra faire un soin. D'accord. Donc, il pourra être enterré avec ses ancêtres dans la terre sacrée. Mm-hmm. Mais voilà, c'est compliqué de tout respecter, en fait, et de jouer avec la législation, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, est-ce qu'on peut parler maintenant un peu de l'aspect du commercial ? De ton métier, de ce que ça soulève comme enjeu, problématique, tout ça. Alors, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on reste une entreprise. Ouais. Et que cette entreprise, bah, il faut la faire vivre. Donc, dans ma formation, j'ai eu du commerce, apprendre à vendre, apprendre à expliquer, à poser les bons mots. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une réputation de voleur. Malheureusement, dans ce métier, tout le monde n'a pas une moralité. Des personnes vont profiter de la faiblesse, de la douleur, pour soutirer le maximum. Donc forcément, quand on a eu une mauvaise expérience avec un conseiller funéraire, on va faire une généralité, ce qui est, je pense, normal. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a mauvaise presse. Le prix des obsèques. Donc aujourd'hui, on se situe, que ce soit crémation, inhumation sur le long terme, ça coûte un peu plus cher, mais crémation, inhumation, on est sur 3 500, 4 000. Les gens ne comprennent pas que ce soit aussi cher. En même temps, tout ce que tu as dit... Oui. Parce qu'on n'a pas conscience de tout ce que ça demande comme travail aussi, quoi. C'est ça. Et y a des choses sur lesquelles, malheureusement, on ne peut pas fermer les yeux. La taxe de crémation, la police, le culte, les mairies. Ça, on peut pas enlever, en fait, ce qu'on va leur donner comme financement. Ça fait partie du devis parce qu'on n'a pas forcément envie que les familles, elles, soient appelées pour régler le crématorium, pour régler la dispersion, pour régler l'inhumation. Donc on essaie de tout mettre ensemble. Alors, c'est ça. Oui, ça coûte cher. Et on peut passer pour des voleurs parce que si on n'explique pas un devis, il y a des termes, on se dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est aussi vous donner un peu un mauvais rôle. Enfin, tu penses pas que... Si justement vous pouviez être fonctionnarisé, etc., ça serait beaucoup plus. La pilule passerait beaucoup mieux si c'était l'État qui vous rémunérait et non pas les familles qui allaient chercher dans leurs quelques porte-monnaies restants pour financer ça. Alors, oui, on serait déjà mieux vu. Enfin, je pense qu'on serait vu comme des fonctionnaires. Oui. Donc, mieux, je ne sais pas. Mais différemment, ça c'est sûr. Comme un être humain qui ne pense pas qu'au porte-monnaie. Ouais. Oui. Oui, ça c'est sûr et certain. Je ne pense pas que l'État supporterait une charge financière comme ça. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il a laissé. Oui. Ça a toujours été quelque chose de privé ou... Ça a toujours été quelque chose de privé. Oui. Sauf dans des circonstances comme les guerres, comme il y a pu y avoir. Mais ça a toujours été quelque chose de privé. Maintenant, je pense que c'est aussi une bonne chose que ce soit privé. Ça veut dire qu'on garde notre indépendance. On ne dépend pas de l'État parce que qui dit financement de l'État dit à peu près normalisation et unicité des moyens d'obsèques. Peu de moyens. Avec peu de moyens, on fait pas grand chose. Donc cercueil bas de gamme. Alors ok, le prix n'a pas d'impact forcément sur les obsèques. Sauf que les personnes qui auraient peut-être les moyens d'offrir à leurs défunts des obsèques un peu plus onéreuses, je suis pas sûr qu'ils seraient vraiment d'accord avec le fait de faire tout ras la moquette et ouais, après voilà. C'est une question de classe, quoi. C'est une question de classe. Et voilà, enfin, on est confronté dans notre métier tous les jours aux différentes classes sociales. Plein centre de Bordeaux, on voit tout. On voit tout. Et souvent, ce sont les plus aisés qui veulent donner le moins. Ouais. Comme tu parlais à l'inverse de cette personne qui, pour son frère, je crois... Oui. Oui. Voulait, aurait tout donné si elle avait pu. Oui, c'est ça. C'est violent. Et... Il n'y a pas de moyen de répartition, justement. Les personnes... Enfin... Il n'y a pas de... d'impôts, de cotisations qui permettent de... Alors, avec le développement des réseaux sociaux, on peut ouvrir des cagnottes maintenant. Quand tu as la chance d'avoir des frères et sœurs ou une famille qui te soutient, tu peux disperser la charge financière. Tu peux t'appuyer. Tu peux aussi essayer de trouver au niveau de la sécurité sociale. Peut-être que tu peux gagner 200 euros. Il y a toujours moyen de trouver une aide. C'est pas grand chose. En soi, je sais que... Alors là, je vais parler crûment. Mais les personnes qui sont condescendantes avec toi, qui sont sans pitié, qui vont te rabaisser, qui vont te mettre plus bas de terre, qui vont t'insulter de tous les noms, et qui vont te demander une remise, non. Mais les personnes qui sont juste effondrées, qui savent même pas quoi faire en fait, t'attends même pas qu'ils te le demandent, tu l'as fait la remise. Enfin voilà, c'est aussi une question de comportement. T'as peut aider si vraiment, vraiment, il y a des problèmes. Maintenant, c'est pas quelque chose de fiable. Donc, tu vas toujours devoir avancer les frais. Pas sûr qu'il y ait un remboursement. Voilà. C'est pour ça que l'arrivée des contrats obsèques, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, les contrats obsèques, c'est de son vivant, on vient organiser, choisir son cercueil, choisir, je sais pas, passage à l'église, crémation, etc. On vient tout organiser, on vient régler. En une fois, en plusieurs fois. C'est ça, c'est en fait, ça dépend de l'âge. Et ça va être calculé, ça peut être en 5 ans, en 2 ans, ça peut être en 10 ans, 15 ans, 25. Plus on est jeune, plus on peut régler en plusieurs fois. Il y a aussi un truc incroyable, c'est l'assistance tranquillité. On est dans une société qui ne fait que commencer au niveau des prix à augmenter. Dans le milieu funéraire, on le voit. C'est quoi l'assistance ? En fait, dans les contrats obsèques, ça veut dire que les prix ne bougeront pas. Les prix d'aujourd'hui resteront les prix de demain. Okay. Je vais dire une connerie, hein, mais il y a 10 ans, les obsèques, elles étaient à 2500. Ouais. Ça a doublé, quoi. Oui, oui. Et c'est qu'un début. Donc, Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Aussi. Alors, c'est là où je dis faites attention parce qu'en fait, un contrat, c'est quelque chose de garanti. Le montant que tu vas débourser, c'est le montant que tu auras. Okay. L'assurance, c'est pas la même chose. Tu payes plus que ce que tu n'auras. Ok, oui, c'est bien à savoir. Oui. Tu vas arnaquer, quoi. Clairement, c'est le principe d'une assurance. Donc moi, je suis pas trop pour les assurances d'essai, surtout qu'il y en a qui se débloquent après le décès. Il y en a où il faut que tu avances les frais. Et après, quand tout sera débloqué, tu auras l'argent de l'assurance. Il y a une taxe qui est prise sur cette assurance. Enfin, je suis pas vraiment pour les assurances d'essai, mais ça existe. Maintenant, nous, on peut se rattacher à l'assurance. Ça permet d'aller un peu plus vite, mais le principe est le même. Le principe est le même. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de façon d'individualiser le truc de, enfin, le contrat obsèque, du coup, est-ce que c'est pas aussi une façon de remettre une pression sur un individu qui doit prendre aussi en charge ses, enfin, et une autre charge mentale? Déjà, on n'a pas envie de peser, sur ses proches, et effectivement, c'est chouette pour les proches que ça puisse exister et que les personnes qui puissent le mettre en place, oui. Mais effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens non plus déjà, et du coup, qui vont se culpabiliser et se mettre cette charge en plus. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez rencontrer aussi. Alors, oui, justement. Et c'est pour ça que, en fait, quand je leur explique le principe du contrat obsèque, si c'est une personne de 90 ans, on va lui demander de payer en une fois. Ça, malheureusement, on peut pas trop s'adapter à ça. En revanche, quand ils sont un petit peu plus jeunes, c'est plus facile pour eux d'accepter ce genre de choses parce qu'on va leur dire, pendant 15 ans, vous allez régler, ouais. Par mois, vous allez régler une petite somme. Si vous décédez au bout d'un an, vous n'aurez rien d'autre à régler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un risque qu'on prend. Tu vois, les assurances, ils demandent des tests médicaux, etc. Nous, on a un an. Pendant cette année, tu vas verser pendant tous les mois la somme convenue. Si tu viens à décéder, c'est un décès accidentel, hein, que voilà, c'est la vie. Ta famille n'aura rien à débourser. Tout sera pris en charge par l'entreprise. Ça rassure aussi. Enfin, les gens majoritairement, ceux qui viennent nous voir pour des contrats obsèques, ce sont ceux qui sont seuls et qui ont envie d'être enterrés décemment. Ceux qui n'ont pas envie de faire peser cette charge mentale et financière à leurs enfants, à leur famille. Et ceux là où il y a des conflits familiaux aussi beaucoup, qui n'ont pas envie qu'ils fassent n'importe quoi avec ce qu'ils voulaient. je trouve que c'est plus apaisant et donc ouais, c'est plus apaisant pour eux en fait d'organiser leurs obsèques parce que au niveau psychologiquement ça les soulage sur tous les points de vue. Oui. Ça va les soulager sur tous les points de vue et généralement quand ils font quand même la démarche de venir nous voir, c'est que bon, ok, ils y ont bien réfléchi. Souvent ils sont venus nous voir une fois, deux fois, trois fois et puis après bon, ok, on va signer. J'ai fait en sorte de, on va signer. Donc c'est aussi un soulagement psychologique pour les personnes qui se disent je peux, quoi qu'il arrive de mon vivant, je peux changer, je peux revendre, je peux, enfin le contrat obsèque, voilà, si j'en ai plus envie, si jamais il y a une autre solution, je peux le revendre. C'est oui, bah c'est comme une assurance en fait. C'est tu peux juste arrêter de payer, tu peux revendre, tu peux demander à une autre entreprise de prendre la suite de ce contrat. Parce qu'en fait, l'argent, il nous est pas donné à nous. Ok. Il est donné à Auxia, l'assurance. Ok. Parce que pour la simple et bonne raison que si Funeca ferme, l'argent ne doit pas se perdre. Ouais. Donc c'est Auxia. Auxia, c'est Malakoff Humanis. Une des plus grosses assurances pour les pompes funèbres. D'accord. Okay. Non, ça fermera pas. Ok. Mais ouais, non, du coup, les entretiens pour les contrats obsèques, c'est beaucoup plus allégé. Enfin, les gens, ils ressortent, ils sont sereins, en fait. Ils sont okay, c'est bon, c'est fait, je suis en sécurité, ma famille est en sécurité, c'est ok. Super. Ouais. Et puis, pour des personnes qui ont des maladies graves, qui sont incurables, etc., ça peut être... Enfin, parce que peu importe quand intervient le décès, du coup, c'est pris en charge. Oui, oui. Ok. Ouais. Ils savent que quoi qu'il arrive... ils auront les obsèques qu'ils ont demandées, quoi qu'il arrive. Okay. Et c'est à valeur testamentaire. C'est-à-dire que s'ils nous demandent une crémation, on ne peut rien faire d'autre qu'une crémation. Ça m'y fait penser, parce que c'est vrai que j'ai oublié, mais j'avais cette question, quelle est la place et quelle est la définition exactement des directives anticipées dans tout ça? Alors, nous, en tant que pompe funèbre, si il y a des dernières volontés, si on a connaissance des dernières volontés, on ne peut pas faire autrement que de les respecter. Mais quand on parle de dernières volontés, c'est pas juste des paroles écrites ou des choses écrites sur un bout de papier, c'est des actes notariés, non? Enfin, alors, faut pas... pas forcément. Okay. Pas forcément. Ça peut être une lettre qu'on a retrouvée. Ça, okay. En fait, tant que c'est l'écriture de la personne, c'est même ok. Si c'est pas signé, faut que ça soit signé. Non? Alors, idéalement, faut que ce soit signé. Mmh. Idéalement. Et si... Maintenant, bon. Mmh. C'est pas toujours le cas. En fait, le principal, c'est que, on arrive, on dit, bon, voilà, ça c'est la carte d'identité du mandant, donc on va dire du fils. Mmh. Ça, c'est la lettre de la maman qui dit, qui a bien stipulé, je veux être crématisé et dispersé au jardin de souvenirs de Montussan. Mmh. La mairie ne posera pas forcément plus de questions. Ils veulent juste, en fait, être couverts sur le fait qu'il y a une preuve. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un ensuite qui vienne... C'est ça. C'est ça. Okay. S'il y a le moindre doute que quelqu'un puisse réclamer, peut-être, ouais, si c'est pas signé, ça passera pas forcément. Okay. Il y a des chances que ça passe pas. Maintenant, voilà, c'est pas obligatoire que ce soit un acte notarial. Mmh. Ça peut être... non, ça peut être un truc griffonné... parce que voilà, vous avez fait tous les deux la décision avant de vous marier que vous seriez enterrés ensemble à Limoges. Just heat it up at 300 and leave it in for 35 minutes. Thanks, Karen. It's my take on Mexican lasagna. Great. Jeff and I can't imagine what you're going through. Well, it's like if Jeff got hit by a car and died suddenly and violently. Like that. Well, you get that dish back to me whenever you can. Welcome to Friends of Heaven. Looks like we have some new people here today. I'm Judy. Jen, I hope this isn't weird. Can I give you a hug? No. Okay. I lost my fiance 8 weeks ago. It was really sudden. What? Since Ted died. I haven't been sleeping. Not at all. Hey, I'm off all night. Feel free to call me and we can not sleep together. Et pour terminer, j'ai un peu deux, trois dernière petite question sur est-ce que ce travail-là, il change toi dans ta vie quotidienne, dans à la fois ton rapport au corps et aussi, enfin oui, à ta représentation, je veux dire, des corps, à peut-être ton rapport à la vie aussi, à celle de tes proches, à la tienne. Et voilà, et après je basculerai un peu sur aussi ce que c'est d'être conseiller funéraire. Bon, t'as parlé au début du podcast du regard des gens quand tu disais le métier que tu faisais, mais effectivement, tu disais en off ce matin que oui, c'était, tu pouvais pas parler forcément de ton travail ouvertement avec tous tes proches, donc voilà, si on pouvait dire deux mots là-dessus, déjà premièrement, ce que ça change ou pas dans la vision que t'as des corps humains, de ta propre mortalité, de celle des personnes autour de toi. Dans ma vie en général, ce que ça a changé, je dirais que je vis peut-être un peu plus intensément. Ok. J'ai plus de respect, enfin j'en avais déjà beaucoup, mais j'ai encore plus de respect pour ma maman. Ça a été assez rapide le moment là où j'ai dit bon maman, on va se poser, et puis tu vas me dire ce que tu veux, et tu vas l'écrire. Et s'il faut, on fera un contrat obsèque. Parce que je veux que tes volontés soient respectées. Mes liens avec mes amis aussi. En fait, on se rend pas compte à quel point ça peut aller vite. Et l'importance d'avoir un entourage à qui on tient vraiment, qu'on aime vraiment, qu'on connaît vraiment. Enfin, qu'on connaît vraiment. Je connais jamais vraiment personne, mais ouais, juste profiter, prendre. La vie te donne, tu prends. Tu redonneras à quelqu'un d'autre. Enfin, tu fais partager. Mais t'as des soucis d'argent? Écoute, ça va se régler. Mais là, si t'as envie de faire ça, dis pas à demain parce que tu le feras pas. Okay. Donc fais-le. Tu trouveras une solution pour t'en sortir plus tard. Dans la relation que j'ai au corps, ça va être très étrange, mais c'est vrai que pendant quelques mois, au début quand j'ai commencé, je voyais quelqu'un dans la rue et je pouvais pas m'empêcher de me dire ah tiens, ça ce serait un cercueil plutôt orgab, ah tiens, ça ce serait un cercueil poignée plastique, tiens, ça ce serait non mais vraiment c'est en fait par rapport à ce qui a dégagé, oui, ou oui. Par rapport à ce que la personne dégage, par rapport à son physique aussi, ouais. Plutôt imposant, les gens musclés, les gens un peu épais aussi. Ouais, je me disais, ah, elle, je suis sûr, ce serait un par exemple un enterrement catholique, elle disait, elle voudrait une messe alors qu'elle est pas catholique, enfin, tu t'inventes des trucs, mais tu pars loin. Ouais. Mais c'est vrai que ton métier, il donne, matière à être écrivain aussi, hein, ouais. Toutes les histoires que tu crois, sur oui. Petit aparté. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais qu'il y a des livres d'or sur les conseils funéraires. Ah ouais. Pépite, je recommande. Mmh. Bref, sur la relation plus particulière au corps que j'ai, je sais pas si ça a changé quelque chose spécifiquement pour moi. J'ai juste eu peur du moment là où moi, personnellement, je décéderai et on s'occupera de moi. Dans la relation que j'ai avec mon corps. Je sais pas si je suis peut-être un peu plus pudique maintenant. Ça t'a rendu plus pudique de voir tout ce qu'on... Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Je comprends. J'imagine. Parce que effectivement, si on voit au quotidien qu'on manipule des corps nus, etc., ouais. Au quotidien... On sait qu'on va y passer. Oui. Donc forcément, on ne peut pas s'empêcher de se projeter. Déjà, moi, je sais que c'est quelque chose que je me projette déjà de base, mais le fait d'y être confronté au quotidien, ça va renforcer sentiment de vulnérabilité aussi. Bah, complètement. T'es là, t'es vulnérable et tu peux rien y faire. Enfin, non, t'es pas là, quoi, mais bon. Mais ce qui fait le lien peut-être avec aussi, du coup, ce respect que t'as pour les personnes. Oui, je pense aussi. Je pense. Et du coup, je pense que... Enfin, ça, tu vois, je serais curieux de poser la question avec mon partenaire, mais non, si je respecte pas encore plus les corps des autres maintenant, dans ma façon de regarder, de toucher, d'appréhender aussi, la façon dont je parle du corps des gens, ouais. Je crois que ça m'a un peu aussi sensibilisé à ça, un peu plus. Ça fait du de sens. Oui, plus de respect, plus de demandes, plus de... Oui. Oui, plus d'inquiétude. Ok. Ça t'a donné aussi des façons de reconnaître certaines fragilités chez les personnes, parce que tu retrouves sur des corps décédés, que ça soit des maladies, des choses que t'as appris à reconnaître même du vivant des personnes, ou à l'inverse de choses strictement physiques, de reconnaître même des personnes qui sont en deuil. Enfin, est-ce que t'as l'impression d'avoir une autre sensibilité aux gens et d'être, d'avoir accès à quelque chose? Oui. Oui, il y a des traces de la vie des gens sur le corps des défunts. On peut voir si c'était quelqu'un de d'un peu ronchon. Ah ouais. Ouais. Souvent il y a des rides. Il y a des rides qui ne trompent pas. La ride du lion. La ride du lion, beaucoup. Et là, le nez aussi. Oui. Les rides sur les nez. Mmh. Si c'était quelqu'un de très rigolo et de joyeux qui rigolait beaucoup. Ouais. Au niveau des des petites oui, c'est assez marrant. On voit si c'était quelqu'un de nerveux. Suivant la tension, quand un corps ça se rigidifie au moment du décès. Mais il y a des choses qui trompent pas. Par exemple, au moment du soin, quand tu vas regarder à l'intérieur de la veine ou de l'artère, plus elle est épaisse, plus il y a des signes de nervosité. Okay. Il y a, en fait, tu peux, c'est pas pour rien qu'on fait des autopsies. Mmh. C'est quand tu regardes quelqu'un attentivement, tu vois tout un tas de détails. Mmh. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on se dit, ok, donc, son enfant me l'a décrit comme étant comme ça, mais son corps, lui, me dit autre chose. C'est assez perturbant, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Il faut juste observer. J'ai plus de sensibilité si j'arrive à reconnaître les personnes qui sont en deuil. Non, j'arrive pas encore. Et je pense que je sais pas si j'y arriverai un jour. En tout cas, j'espère pas que j'espère qu'une personne peut toujours garder son espace d'intimité et de souffrance. Après, généralement, quand je dis mon métier, ça fait un petit déclic. Ah ouais, oui, beaucoup, ouais. Beaucoup. Ben, il y a 3 semaines, et tu fais quoi comme métier, toi? Je suis conseiller funéraire. On en parle un peu, et là, il me dit, ça tombe bien, j'ai enterré ma mère samedi. Voilà, donc c'est toujours comme ça. On me raconte des petites anecdotes, on me raconte comment ça s'est passé pour eux. On me demande énormément de choses. Souvent, c'est pourquoi tu fais ça? T'es si jeune, pourquoi tu fais ça? Une suspicion un peu de... Oui. Si t'as pas un goût pour le glauque, quoi. Ben oui, ça fait morbide, quoi. J'attise beaucoup la curiosité avec mon métier. Ça doit être pesant, hein. C'est vrai que j'en viens des fois à mentir. Sinon, je suis dans la vente ou... Vraiment, je suis... ça peut être dans le soin, parce que les gens, ils s'en foutent, en fait. C'est tellement habituel qu'ils ont pas envie de te poser des questions. Et c'est vrai que quand tu sors du travail, t'as pas forcément envie de d'en parler. Mmh. Après, bon, ça va, moi j'adore en parler. Mmh. J'adore mon métier, donc. Mmh. Ça va, mais il y a des périodes là où non. T'as juste envie d'écouter les gens. Et du coup, t'en parles avec tes proches quand même, parce que parfois, par contre, à l'inverse, t'as peut-être besoin aussi d'extérioriser certaines choses et t'arrives à toujours trouver du coup les bons mots pour aussi les préserver, comme on disait aussi pour les familles des personnes décédées, mais aussi donc valable aussi pour tes proches, pour les moldus du, ouais. du milieu funéraire. Oui. J'aime cette expression. alors, moi j'ai beaucoup de chance dans le sens où bah, c'est ma maman qui m'a guidée vers ce métier. Donc, je peux pas tout lui dire, bien sûr. Je pense qu'elle serait un petit peu perturbée. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai su m'entourer, j'ai pu m'entourer de personnes qui sont ok avec la mort. Mon partenaire, je sais que je peux tout lui dire. Il est pas trop impacté. Tant qu'il voit pas, il est pas trop impacté. Bien sûr, j'ai des amis avec qui c'est compliqué, donc je vais raconter ce que je fais, toujours en censurant, comme en fait avec les familles que je reçois, en choisissant des termes, en passant un peu à l'oubli certains détails qui se sont passés. Je peux pas tout raconter parce que ça reste quand même choquant ce que je fais. Donc j'ai de la chance. J'ai des collègues avec qui je peux parler des choses dont je ne peux parler à personne. Ça, c'est important d'avoir une équipe aussi, j'imagine. Oui, oui, c'est vital. Ouais. Dans ce métier, c'est vital d'avoir des collègues et de former une vraie équipe, de se soutenir, de s'appuyer les uns sur les autres. De débrief, parce qu'en plus, on bossait seul, mais genre, oui. Ensuite, hein. Oui, de débriefer sur ce qui s'est passé, bien sûr, c'est hyper important. Et puis même, je veux dire, ce métier, on l'apprend tous les jours. C'est tellement complexe. Différent chaque fois. C'est différent chaque fois, donc s'il y a des choses qu'on ne sait pas, on appelle les collègues. Enfin, ça crée un esprit, une cohésion assez incroyable. On vit des choses que, on vit des choses que personne ne vit. Donc, ouais. Moi, je pense que j'ai un petit noyau et j'ai envie d'en prendre soin parce que je sais le prix. Enfin, ça n'a pas de prix en fait. Je suis plus sûre de ce qui nous est arrivé. J'y pense tous les jours, j'ai même peur d'accepter. T'aurais quelque chose à dire à des personnes qui justement ont un peu des angoisses autour de la mort ou qui sont dans des vécus de deuil ou un peu, je sais pas, des sortes d'enseignements de par ton expérience à côtoyer la mort au quotidien, quoi. Moi je dirais qu'il faut parler. On parle jamais assez. Il faut s'exprimer sur... Déjà il faut... Enfin, il faut... Non, il n'y a pas de marche spécialement à suivre, mais je pense que c'est important de se rappeler des souvenirs qu'on a avec cette personne. Je pense que c'est important de continuer à la faire vivre par ses mots. Je pense aussi que c'est important de parler à quelqu'un d'extérieur, de ce qu'on peut ressentir, des émotions qu'on a, des idées qu'on a. La parole libère, et ça j'ai pu le constater. Je le constate tous les jours en fait. Il faut pas avoir peur d'être jugé, et c'est pas parce que ça fait 4000 fois que tu répètes la même chose. De ouf. C'est pas parce que ça fait 4000 fois que tu répètes la même chose, les mêmes histoires, les mêmes souffrances. Si ça te fait du bien d'en parler, évacue-le. Évacue. Partage. Il faut que tu partages. Il faut pas que tu gardes tout pour toi parce que c'est... Tu pourras jamais faire ton deuil si tu gardes tout pour toi. Et surtout, prends ton temps. Sois tolérant avec toi. Et apprends à pardonner. C'est long. Ouais, c'est très ça. Très long. Et on n'est pas dans une culture qui pardonne facilement. Ouais, ouais. Et toi, tu vois genre les ravages de ça, genre de la rancune, etc. J'imagine. Oui, beaucoup. Oui. Je suis témoin de l'impact que ça a. Et plus t'attends pour régler le souci, plus tu souffres dans ton coin, plus tu subis seul, plus l'impact sera important et difficile à gérer. Lors du deuil. Lors du deuil, surtout lors du deuil. Ok. Et est-ce que tu aurais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le métier ? Alors, c'est le plus beau métier du monde. Maintenant, je tiens quand même à dire attention, il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des choses qui sont innées. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Faut avoir une bonne santé mentale. Faut avoir une force aussi. Une force et une énergie de vivre. Il faut être entouré. Ouais. Faites attention parce que c'est pas un métier pour tout le monde. Maintenant, si jamais tu fais un stage, si jamais tu te dis ok, c'est mon métier, c'est ce que je veux faire. Juste fonce, parle. Je n'insisterai jamais assez sur le fait qu'il faut parler, communiquer, s'exprimer. C'est la base du métier. Okay. Si tu le fais pas, tu dures pas. Il faut aussi savoir se préserver. Tu peux faire tout ce qu'il faut pour une famille. Tu peux te plier en quatre. Mais fais attention à toi. Ne t'oublie pas dans ce métier. Parce que c'est une des causes les plus importantes du burn-out. S'oublier. Il faut savoir que quand tu es conseiller funéraire, il faut pas non plus avoir peur du contact avec les morts. Parce que tu es en contact avec les morts. Tu peux faire le choix de ne pas en voir, mais ça reste rare et compliqué. Okay. Puisque si t'es à côté d'un funérarium, t'es obligé d'être en contact. Donc ouais, il faut être à l'aise avec le fait de voir des corps. Il faut être à l'aise avec le fait de toucher des corps. Il faut être à l'aise avec le fait d'avoir des gens en pleurs, des gens en colère, des gens dans le déni qui seront là dans ton bureau à rigoler. Il faut savoir s'oublier, mais sans s'oublier trop non plus. Tu t'oublies quand t'es dans le bureau, quand t'es avec eux. Tu n'existes pas. T'es là pour écouter, t'es une oreille. Tu retranscris. Tu retiens. Tu les fais parler. Mais par contre, quand ils sortent du bureau, là, tu te reprends. Tu fais, ok, bon, est-ce que ça m'a impacté ? Comment je me sens ? Ça va pas trop ? Ok, bon, je vais faire une pause. Je vais aller fumer une clope, boire un café, boire de l'eau, juste aller dehors, tranquille, respirer. Je vais parler avec les collègues. Donc, s'oublier, mais ne pas toujours s'oublier. Savoir un peu, avoir des moments de, ok, je vais prendre soin de moi là. Là, ça va pas, je vais m'écouter. Je crois que c'est la base du métier, en fait, s'écouter. Merci beaucoup. Je sais pas si t'as encore quelque chose à ajouter ou des ressources à conseiller ou ce que tu veux. C'est qu'une question de temps avant qu'il y ait d'autres façons d'organiser des obsèques, d'autres moyens. Alors, soyez patient, mais je suis sûr et certain que dans 10, 15, 20, 30 ans, on va avoir le champ des possibles. Et à ce moment-là, j'espère vraiment que le fonctionnement des agences de pompes funèbres auront un petit peu évolué aussi et qu'il y aura plus d'accompagnement psychologique, que ce soit pour les familles ou pour les conseillers. Mais juste si vous avez envie d'y aller, allez-y, faites conseiller funéraire. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique, c'est pas glauque, c'est incroyable. Être à l'écoute et dans l'accompagnement, que demander de plus. Okay. Merci beaucoup. Je cherchais trop loin en moi des choses qui ne m'aidaient pas.